D'après le journal d'internet sud-coréen Tongnews, le chef de la direction de la diplomatie et de la sécurité du parti de la justice a condamné le 21 la politique servile des autorités à la réunion de la commission permanente du parti. Il a fait remarquer que le pouvoir de Bakounet a envoyé aux États-Unis le premier vice-ministre de l'agence de la sécurité pour encourager de côté la politique dure américaine à l'égard de la Corée du Nord. Il a déploré que si l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon sera adopté à la réunion des affaires d'État, cela signifie que la Corée du Sud, ayant jusqu'à présent pour beau-père des États-Unis, pose une signature au mariage de convenance du gendre qui vivra chez ses beaux-parents en servant le Japon comme belle-mère.